Section 30 de la lecture, tome 2e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La lecture, tome 2e. Section 30. L'adoré par René Mézeroy. Septembre 1885. Plus je la possède, plus je voudrais encore la posséder. Et nous nous aimons avec je ne sais quelle folie, comme des voyageurs dont les minutes sont cruellement comptées et qui bientôt se sépareront, qui pressentent les aventures prochaines, les dangers, les adieux sur le pont du steamer et les insomnies nostalgiques des longues nuits de traversée. On dirait que, comme moi, elle cherche à ne pas penser, à s'anéantir dans cet amour, dans ses étreintes, dans ses sommeils profonds où peu à peu se calment les battements désordonnés de son cœur, se détendent ses nerfs apaisés. Je ne la reconnais plus, tant elle est changée, tant elle devient femme et amoureuse. Ce ne sont plus les enfantines câlineries de jadis, les baisers hésitants, les ignorances charmantes qu'elle avait. Elle sait, elle devine, elle rêve. Elle a surpris tous les secrets que je lui cachais. Et j'ai peur de l'œuvre accomplie, du chemin si rapidement parcouru, de la maîtresse insatiable, appâtée de sensations toujours nouvelles, heureuse d'aimer, de se donner, d'avoir un mari robuste et tendre, qui a remplacé l'épouse inconsciente, la gamine candide. J'ai peur, et j'en suis cependant orgueilleux. Qu'importe ce qu'il adviendra demain, puisque notre vie ne nous appartient pas, puisque chaque être est marqué d'avance pour souffrir ou pour être heureux, puisque aucune chimère, aucune jouissance n'égaleront jamais la douceur du baiser sur les lèvres d'une femme qu'on adore, la béatitude absolue de la possession. Qu'importent les désillusions, les angoisses, puisque nous nous serons aimés jusqu'à la démence, loin de tout, puisque nous aurons dépensé ensemble toutes nos forces, tous nos désirs, toute notre âme, sans regret, sans lassitude. Nuit radieuse, si paisible, où l'on n'entend que le sourd frisselis des feuilles, les clairs appels mélancoliques des crapauds, s'égrenant un à un comme le son d'une cloche de cristal, des plaintes brèves qui se perdent, et tout à coup, les stridentes claironnées des coqs qui se répondent à travers la campagne, nuit où l'aube colore si vite les lamelles des volets, où l'on sème avec tant de quiétude, où l'on a la sensation d'être perdu l'un et l'autre au fin fond d'une retraite ignorée. Nuit de tendresse, où elle a de soudaines peurs, où les candélabres, comme pour une longue fête, demeurent allumés, et où nos bras ne se désenlacent pas. Nuit d'extase dans le vaste lit à baldaquin, où tant d'autres s'aimèrent, et qui nous retient, qui nous attire comme par une magnétique influence, dans la chambre tendue d'une soie à fleurettes fanées, et où, au-dessus d'un cartel, l'amour dressé semble guetter quelque proie, avec un geste hardi de chasseur. Nuit d'exquise fatigue et de long repos, n'aurez-vous pas de mauvais réveil, n'emporterez-vous pas toute ma raison, toute ma volonté, toute mon énergie? Nuit qui m'épeurait et qui me ravissait comme les trop grandes joies quand on a beaucoup douté et beaucoup souffert et où je rêve de m'endormir pour l'éternité avec la fraîcheur de son baiser sur ma bouche comme un viatique et dans mes narines le parfum de sa peau et dans mes membres raidit la divine torpeur des jouissances. Fin de la section 30. Enregistré par Margot.